Chapitre 11e. Stewart, je ne rêve pas, c'est bien vous. Avec Mike? Ce jeune homme est bien Mike, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur Emerson, c'est bien moi. C'est votre maison, monsieur? Oui, Mike, c'est le fruit de dures années de labeur, mais Stewart, que faites-vous donc par ici? Vous ne guidez donc plus les caravanes? Oh, c'est fini, mon garçon. Je me fais trop vieux pour bourlinguer sur les pistes. Et puis, les temps ont changé. Il y a de plus en plus de bandits et de moins en moins de vrais pionniers comme vous. Mais entrez donc, nous serons mieux à l'intérieur pour discuter devant une bonne bière. Nous la faisons nous-mêmes, savez-vous? Et nous en sommes fiers, à moins que vous ne préfériez un bon whisky. Une bière sera la bienvenue, mon garçon. Il fait bien lourd aujourd'hui. Nous pourrions avoir un gros orage, voire un ouragan. En avez-vous déjà eu ici? C'est passé à côté de quelques kilomètres seulement. Mais ce cyclone a tout détruit sur son passage l'année passée. Quant à nous, il faut croire que le Seigneur nous a protégés contre ce fléau. Où donc est votre si gentille femme, Maureen, si je me souviens bien? La conversation s'arrêta net. Patrick mit enfin au courant Stewart des événements de ces dernières années. Oh, je suis vraiment navré, mon garçon. Cela a dû être vraiment terrible. Comment diable avez-vous fait pour remonter cette pente si rude? Vous étiez si amoureux, si unis. Le vieil homme se rendit compte soudain de sa sottise. Oh, mais je suis impardonnable. Ne répondez pas, mon garçon. Vous savez, Mike et moi sommes sur les routes depuis des mois et nous n'avons plus grand-chose à nous dire. En tous les cas, c'est du passé. Et le principal est que désormais, vous soyez heureux et que vous ayez réussi. Dites-moi, il y a beaucoup autour de vous d'autres belles demeures. À qui sont-elles donc? À mes amis Navarro. À des Indiens? Des sales peaux-rouges? Des... Attendez, Stewart. Les Navarros m'ont sauvé la vie plusieurs fois. C'est ma famille, mes amis, et d'ailleurs, voici ma femme, l'arme de pluie. Stewart, la bouche grande ouverte, regarda venir à lui une belle jeune femme. Ça alors, votre femme est très belle, Emerson. Patrick entoura les épaules de sa compagne et raconta toute l'histoire au vieil homme. Après plusieurs bières et de nombreuses heures de discussion, Stewart finit par demander à Patrick. Auriez-vous un boulot pour moi, mon gars? Nous en avons plus qu'assez d'errer à travers tout le pays. Nous voudrions trouver un travail fixe et avoir une petite maison bien à nous. J'enverrai Mike à l'école et... Oh non, papa, pas l'école. De plus, je suis trop vieux pour y aller. Les gamins se moqueraient de moi. Je veux t'aider et travailler. Toutes ces années où toi aussi tu as dû te trimer pour moi. J'ai une énorme dette envers toi. Tu m'as recueilli lorsque mes parents sont morts. Tu as été un véritable père. Alors laisse-moi te repayer juste une toute petite partie de cette grosse dette. Sur ces paroles émouvantes, père et fils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Stewart reprit au bout d'un moment, s'essuyant la joue d'un revers de main. J'ai eu beaucoup de chance, savez-vous, Emerson. Ce petit est toute ma vie, et il me le rend bien. Patrick raconta l'histoire des deux dernières parcelles qu'il venait d'acquérir. Du pétrole? Ça alors, mais c'est mieux encore qu'une mine d'or, mon gars. Bien entendu, il faut non seulement avoir les moyens de l'exploiter, mais aussi les machines et l'expérience, comme le colonel Drake. À ce propos, nous l'avons rencontré à New York l'an dernier, où il donnait une conférence. Cela, je l'avoue, m'a passionné. J'ai une proposition à vous faire, Stewart, lui dit Patrick. Voudriez-vous vous renseigner, et surtout, je veux connaître tous les tenants et aboutissants pour pouvoir exploiter au mieux ces deux dernières parcelles. Certainement, mon garçon, avec joie, mais que dois-je comprendre? Que vous me donneriez cela à faire comme travail? Tout à fait, et je vous promets que si ça marche, vous serez le premier à être servi royalement. Cela vous permettrait de vous stabiliser et de planter vos racines quelque part, si j'ose dire. J'en serais vraiment enchanté. Comme je vous l'ai dit, j'en ai vraiment assez d'errer à travers tout le pays. Alors, marché conclu. Allez donc vous dépoussiérer tous les deux. Le repas ne va pas tarder à être servi. Il y a trois pièces à l'arrière de la maison construites exprès pour les amis. Vous serez les premiers à les occuper. Ensuite, lorsque vous serez reposés dans quelques jours, vous pourrez reprendre la route et aller voir ce fameux colonel Drake. Cela vous convient-il, Stewart? On ne pourrait faire mieux, mon gars. Allez, Mike, il va falloir prendre un bain et faire honneur à Madame Emerson à table. Un bain? Mais papa, il n'y a pas de mais, Mike. Là où nous allons vivre désormais, il y a de l'eau à volonté, donc plus aucune excuse pour ne pas se laver. Et ne fais pas une toilette de chat, mon gars, ou je te frotterai les oreilles moi-même, compris? Patrick regarda Mike partir en riant aux éclats. Le jeune garçon, habitué à vivre presque à la sauvage, n'avait aucune envie de changer. Mais Stewart était là pour veiller à ce que ses ordres soient entendus et exécutés avec célérité. Ils passèrent toute la soirée à parler pétrole. Stewart prédit à Patrick une grande prospérité s'il s'avérait que ses puits étaient seulement comme ceux de Drake. Patrick, cette nuit-là, eut un sommeil agité, et larmes de pluie au matin, repensa à ce rêve étrange qu'elle avait fait. Maureen, la première femme de Patrick, lui était apparue. Elle lui dit nettement que désormais ils seraient à l'abri de tout besoin et seraient heureux ensemble. Elle la remercia également de tous les bienfaits dont elle entourait son mari et prédit que ses deux fils seraient de grands hommes. Larmes de pluie, remuée malgré elle, par ce doux rêve, se mit à prier le grand esprit. Il est vrai que depuis que les Navarro avaient sauvé Patrick, tous avaient reçu plus de bienfaits que beaucoup d'autres tribus, disséminées un peu partout et décimées pour certaines d'entre elles. Elle n'avait jamais été déçue par cet homme si aimant et si bon aussi envers elle qu'envers les siens. Et voilà qu'à présent, un autre tournant se présentait dans leur vie et que ce tournant s'appelait pétrole. Patrick, lui, le lendemain matin, à peine réveillé, avait sauté dans son pantalon et s'était précipité chez Bison Ardent. Il éveilla ce dernier qui grommela « Qu'est-ce qui se passe pour que tu viennes me tirer du sommeil si tôt ?»« Une grande nouvelle. Nous allons être riches, mon frère, avec l'eau puante dont tu me parlais hier. Allons bon. Même une bonne nuit de sommeil ne la mal a pas changé. Son esprit est toujours en train d'errer. Mais non, Bison Ardent, veux-tu seulement te donner la peine de m'écouter un peu et de cesser de râler? D'accord, chien hurlant, mais je t'en prie, laisse-moi le temps de me passer un peu d'eau sur la tête. Je crois alors qu'après je serai en mesure de t'écouter déblatérer, mon frère. » Bison Ardent s'en alla en grommelant et presque en maudissant Patrick pour ses idées saugrenues, comme s'il n'avait pas assez de travail avec la terre à cultiver. Mais que recherchait donc chien hurlant? Lorsqu'il se fut restauré, l'Indien prit le chemin de la demeure de Patrick. Il fut bien un peu étonné de voir celui-ci attablé avec deux autres blancs. À part les cow-boys de Springfield, personne ne venait jamais ici. Patrick l'invita à s'asseoir et à partager leur petit déjeuner. Bison Ardent se contenta juste d'une tasse de café et, avec un brin d'impatience, demanda à Patrick de s'expliquer. La conversation roula pendant 2 bonnes heures sur le sujet. En clair, Patrick demanda à Bison Ardent si lui et ses frères voudraient bien désormais s'occuper seuls des terres à cultiver. Stewart et lui s'occuperaient des puits de pétrole. Bison Ardent ne comprenait décidément pas les Blancs. Ils avaient tout ce qu'ils désiraient, même plus. Que recherchaient-ils donc? La nature les entourant était prodigue. Pourquoi tant de richesses en plus? Et surtout, que voulait-il en faire? Sa maison était magnifique, ses enfants à l'abri du besoin, le territoire entier des Navarro était reconstitué. Ils pourraient continuer à chasser les bisons jusqu'à la fin de leur vie, sans pour autant tous les anéantir, mais que rechercher donc, enfin? C'est ce qu'il finit par demander à Chien Hurlant. Ce que je recherche, mon frère, je vais te le dire. Je t'ai redonné ta terre, et à présent j'aimerais pouvoir en faire autant avec la mienne. Autrefois, d'autres hommes blancs ont pris mon territoire, mais ne voudront jamais me le rendre. Alors je leur ferai repayer d'une manière ou d'une autre. Mais dans le monde des blancs, il faut pour cela beaucoup d'argent. Ça te donne le pouvoir, et avec le pouvoir, tu peux tout faire, ou presque. J'aimerais aussi montrer mon pays à ma femme et à mes enfants. Peux-tu comprendre, mon frère? Bison Ardent resta quelques instants sans répondre, puis « Je comprends, mais ce que j'aime moins, c'est que tu vas t'en aller, et si loin d'ici que dans quelques lunes, tu pourrais bien nous avoir oubliés pour de bon. Pour ça, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vous aime tous beaucoup trop pour vous oublier. Puis j'aime aussi énormément aller chasser le bison avec toi. Nos chevauchés dans la prairie, ainsi que tous les membres de la tribu qui font partie de moi, sont en moi. Jamais je ne pourrai oublier tout cela. Dussé-je vivre 100 ans ou plus. N'oubliez pas que vous êtes toute ma famille, Bison Ardent, et que je vous aime infiniment. Mais d'abord, il faut savoir ce que valent ces terres. De toute façon, je ne crois pas pouvoir vivre loin d'ici bien longtemps. J'ai appris à aimer cette terre qui me le rend si bien, d'ailleurs. Désormais, l'Amérique est mon pays. J'éprouve aussi le besoin de me recueillir sur les tombes de Maureen et de mes petits. Ce sont des souvenirs que l'on ne peut laisser derrière soi. Patrick vit que Bison Ardent était contrarié. La discussion ne sembla pas le convaincre. Ce dernier était très attaché à son frère et l'idée que Chien Hurlant puisse un jour s'en aller l'affectait énormément. Il essaya par tous les moyens de lui faire entrer dans la tête que jamais il ne pourrait s'en aller définitivement.